Y'a du baisage de race dans l'air. Grande Ariane de l'Atlantique jusqu'au steppe de l'Est. Faut qu'on se débarrasse des métèques avant qu'il ne soit trop tard. Mon seul tort c'est d'être en avance comme Enoch Powell. Je voudrais que les parasites répondent à cette question seule. Pourquoi ce serait pas le cas de la Palestine si la France est terre d'accueil? En attendant qu'ils ferment leur gueule ou le rapatriement se rend en linceul, ayant plusieurs morceaux pas qu'en un seul. Nos néocolons fustigent l'entité sioniste, mais le pire c'est qu'il y a des blancs pour les suivre dans leurs conneries. C'est pour les Ariens solides que les bottes tout fragiles retournent écouter du Vald ou du Nekfeu. Ça suffit, je la leur mets en profondeur comme le Titanic. Moi j'ai besoin d'un holster, pas d'un kit main libre. Je viens crever l'œil de la pyramide, mettre fin à la piraterie. Comme en 1830, Charles X l'a fait en Algérie. Grande Ariane, dérive de l'Atlantide jusqu'à la Scandinavie. La race des seigneurs réside ici, donc nique l'Afrique. De la péninsule ibérique jusqu'au mont Oural, en passant par la Sicile et les pays baltes. Grande Ariane, de Reykjavik jusqu'aux frontières de Grèce et de Bulgarie. Là où commence le Mordor, puis la terre des Aradrim, les Ottomans musulmans et toutes ces races de saloperies. Grande Ariane, on va pas s'excuser d'exister et de fouler la terre de nos ancêtres. Pendant que la Suisse est putain d'homme singé de trouille, pire qu'une plaie d'Égypte. Je dois l'avouer, je suis peu serein, mais jamais défaitiste. J'ai le sens de l'esthétique du Reich. Pas de problème pour les durs à cuire, on va remettre les fours en état de marche. Un projet de développement durable, genre 1000 ans et plus, débarrassé définitivement de la secte des sans-prépuces. Tandis que les Israélites taguent leur propre synagogue et élaborent le scénario de notre mise à mort. Plan coup d'un of Calergi, j'oublierai jamais qu'ils sont les responsables de la crucifixion du Christ. Ils réécrivent l'histoire selon leur bon vouloir. 451 degrés Fahrenheit, le mot d'ordre c'est sauver ce qui peut l'être. Éradiquer 10 000 Lechnec, foyer de l'arianité, la maison n'accepte pas l'échec. Grande Ariane, dérive de l'Atlantide jusqu'à la Scandinavie. La race des seigneurs réside ici, donc nique l'Afrique. De la péninsule ibérique jusqu'au mont Oural, en passant par la Sicile et les pays baltes. Grande Ariane, de Reykjavik jusqu'aux frontières de Grèce et de Bulgarie. Là où commence le Mordor, puis la terre des Aradrim, les Ottomans musulmans et toutes ces races de saloperies. Grande Ariane, ils passent leur temps à gaspiller leur salive. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est bien eux la cause du problème. Car en vérité, s'il y a pas de nègres, y'a pas de racisme, donc ils repartent en Afrique. En attendant, je veux l'apartheid. Soit dit en passant, je m'en bats les couilles s'ils sont nés ici. C'était aussi le cas tout plein de colons français en Algérie. Le cercueil ou la valise, c'est le choix qu'on leur a laissé. J'espère pour faire leur bagage, les parasites seront paresseux. Quant aux abjects putains nègres, comme la femme de Marcy, on va leur exciser la chenèque à la mode islamiste. Abou Azlaï, Alpha Lancy, c'est ça mon nom croisade pour purifier le continent. Le purge et tous ses sous-hommes. Napalm, s'il le faut, c'est plus efficace que le cyclone. En plus, t'économises sur le coût de la crémation. Tôt ou tard, va bien falloir s'occuper de ces sales chiens. Prier, c'est le dernier des recours, ce qui fait que bien souvent je m'abstiens. Grande Ariane, dérive de l'Atlantide jusqu'à la Scandinavie. La race des seigneurs réside ici, donc nique l'Afrique. De la péninsule ibérique jusqu'au mont Oural, en passant par la Sicile et les pays baltes. Grande Ariane, de Reykjavik jusqu'aux frontières de Grèce et de Bulgarie. Là où commence le Mordor, puis la terre des Aradrim, les Ottomans musulmans et toutes ces races de saloperies. Grande Ariane.